Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un groupe revient 3 ans plus tard dans un land ici. Et j'avais rêvé qu'il ne reviendrait jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont un nom imprononçable pour moi. Le groupe s'appelle Beyond Remains. Si, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a des efforts. Hein. Je crois qu'il y avait eu un concours, j'avais essayé de le dire 40 fois, vous m'avez dit, ah, celle-là, elle était bien. Ouais. Beyond, ça veut dire quoi, Beyond Remains? Comment ça s'écrit déjà? Beyond Remains, B-E-Y-O-N-D, plus loin. Moi, attends, vas-y doucement, il y a des gens qui ne maîtrisent pas très bien l'anglais. B-E-Y-O-N-D, plus loin, espace. R-E-M-I-N-S. Tiré du 8. Non, tiré du 6. Ah oui, du 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au-delà des restes. Au-delà des restes. Exactement, littéralement. Et ça a changé depuis 3 ans, c'est quels restes maintenant? Ah bah, c'est, bah, vous les avez mangés, les restes? Exactement. Ils sont foutus depuis, non. Non, en fait, c'est par rapport à nos expériences passées, ouais. Nos expériences musicales passées. Et du coup, bien sûr, on a vécu des choses qui s'entassent dans les restes et on essaye toujours d'être au-delà de ça et de faire mieux. Donc, Et les deux autres musiciens, ils font partie des restes? Ben maintenant, ouais, carrément. Et ça a été une expérience avec eux. Et... Non, vous les avez mangés? Ils sont bel et bien vivants et on leur a pas fait de mal, bien sûr que non. Donc, parce que vous étiez 4? Exactement, on était 4. Et maintenant, vous êtes 2. En plus, duo. Plus enfin, Anthony. 2,5. Parce que... Bonjour, Anthony. 2,5, bonjour. Oh non, il fait pas 1,5. Il fait un pichet. Hein. Oh. On avait dit le pas baron, les blagues de merde. Baron. C'est une boîte parisienne, le baron. Hein. Anthony, tu fais quoi, toi, dans la bande? Moi, je suis technicien son, avant D'accord. tout. Chauffeur, Airbnb, cuistot, ouais. Papa, psychologue. Bénévole? Bénévole, ouais. Mais là, ça va se passer comment? Tu vas remplacer Antoine pendant le live, c'est ça? Oui, tout à fait. Et Antoine va faire quoi? Il va apprendre... Boire des cafés. C'est, il va boire des cafés. Fumer des clopes. Beyond Remains, alors votre actu, c'est la sortie tous les 8 du mois, c'est ça? Ouais, tous les premiers vendredis du mois. À ah, tous les premiers vendredis. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe tous les premiers vendredis du mois? Qui, Pierre et Maxime? Maxime. Alors, en fait, on va sortir un mini-album, on va dire ça comme ça quand même, où on a revisité des morceaux du premier album, mm-hmm. à des manières différentes. Et en fait, le but, c'est de sortir un clip, un morceau avec, accompagné d'un clip, tous les premiers vendredis du mois. Jusqu'à quand? Juillet. Et ça, après? Et après l'album sort. Après, ouais, l'album sera sorti, tous Exactement. Les morceaux ont été dévoilés, donc l'album sortira sur toutes les plateformes dans son entièreté. Donc le premier, c'est quoi? C'est début février? C'est ça, 7 février. Le 7 février. Ouais. Donc, il est sorti. Exactement, il est sur YouTube, sur toutes les plateformes, Spotify, mmh. Deezer, etc. C'est et c'est le seul morceau métal de l'album, puisqu'après on explore plein d'autres styles. Voilà. Parce que c'était hyper métal quand même il y a 3 ans. Oui. Moi je trouve pas. Non, bah si, dans les vidéos. Ouais, je crois même que tu chantes un peu, Maxime. Maintenant oui, avant non. Ah, non. Je m'essaye là depuis peu au chant, enfin au bac. Oui. Et il y avait un barbu à l'époque, alors c'était qui? Exactement, alors lui c'était le guitariste à l'époque. Ouais. Il parlait comme ça, oh là, lui aussi il prenait la voix. Alors il parlait comme ça parce qu'il était malade, je crois. Mais... la dernière fois, ouais. Il était pas mal malade. Il est mort lui, non? Non, non bah, je on crois pas. De nouvelles, on mais a je crois pas qu'il est bien vivant, ouais. Ah, il est bien vivant, ouais, tu m'as fait peur. Là, ce qu'on va écouter au tout début, c'est 3 titres de l'EP, c'est un album qui est sorti en juillet dernier. Tout à fait. Unleash the Violence. The Violence, là, on rappelle aussi ce que ça veut dire en français. Parce qu'on déchaîner, est en France. Exactement, oui. C'est déchaîner la violence, voilà, déchaîner littéralement, ouais. C'est-à-dire que vous êtes pour la baston. Non, pas du tout, non, Pierre, pas du tout. C'est beaucoup plus... Vous êtes gilet jaune. la question politique. La gilet jaune. La question politique. Non, pas du tout. C'est un album qui nous a permis, nous, de libérer plein d'émotions telles que la colère, la rage, la tristesse, etc. Et du coup, on trouvait que c'était un nom qui collait bien à ça. Ça nous a permis, du coup, de nous libérer de ça. Et on s'est dit, bah, ce nom était parfait pour cet album, Unleash the Violence, déchaîner la violence. C'est vraiment ce que cet album nous a permis de faire entre nous. Donc voilà. C'est beau. Ouais, magnifique. C'est très beau. On s'écoute un premier titre, bien sûr. Ouais. C'est lequel? Je crois que c'est I'll Watch You Die. C'est parti. You take it down. You live. Je finis carrément. Rappelez-moi le titre. I'll Watch You Die. I'll Watch You Die. Exactement. C'était. Mais ça, c'est celui du 7 février. Si vous en avez parlé, mais c'est normal. Alors, c'est pas celui-là. Celui du 7 février, on va le jouer en live juste après. D'accord. Mais non, ça, c'est notre album qui est sorti en juillet 2019. Et celui qui est sorti avant, vous avez fait comment? Vous avez fait pareil que cette fois-ci? C'est-à-dire, vous avez sorti un titre? Non, pas du tout. Non, c'est pas. 2017, alors, en fait, en 2017. Si, c'est ça. En fait, on aime bien faire ça, c'est-à-dire sortir des morceaux avant. Donc là, on a sorti quasiment la moitié de l'album avant que l'album sorte, avec des morceaux clippés. Voilà, tous les deux mois, je crois, on faisait. Il me semble, tous les trois mois, tous les deux mois, on sortait un morceau avec un clip. Et on aime bien faire cette mécanique-là. Les gens s'attachent un peu aux morceaux et aux clips. Donc nous, ça nous plaît. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter votre page YouTube. Enfin, c'est magnifiquement bien fait, vos clips. Merci beaucoup. Bah, merci. Ça fait plaisir. Comment ça se passe? Il y a un réalisateur. C'est toujours le même? C'est quoi? Alors, avant, on travaillait avec, un monteur-cadreur à l'époque. Et donc, j'écrivais les clips. Avec Maxime, on cherchait les idées, etc. Et maintenant, j'ai acheté le matériel, je me suis mis à la vidéo, donc on fait tout nous-mêmes. Je réalise les clips, je les écris, je les monte, etc. Et c'est Anthony qui nous filme. Caméraman aussi. Du coup, parce que moi, je ne peux pas filmer. Ah, voilà, préciser. Voilà. Et donc, c'est Anthony qui est derrière la caméra pour moi, en fait, finalement. En fait, vous ne pouvez plus vous passer d'Anthony. Non. En fait, on l'a pris, on lui a donné plein de postes et maintenant, il se démerde. Mais il se débrouille. Mais aime bien. Hein. Ils sont comment, Anthony? Tu les trouves comment? D'accord, merci Anthony. C'est sympa. Donc ça, c'est, pour aujourd'hui, c'est le seul morceau métal qu'on va écouter. Pas du tout. Non, tous. C'est une question que je pose. Tous seront métal encore et petit en live. En live, en live, on va jouer trois morceaux du premier album. D'accord. Et le morceau qui est sorti le 7 février. Et le style de cet album, ce sera quoi? Oh là, il y a plein de choses. Vas-y Maxime, je te laisse parler. Je sais même plus ce qu'il y a moi-même en fait. Il y a un morceau métal, il y a un morceau rock plutôt, il y a un morceau acoustique, il y a un morceau avec juste piano-voix. D'accord. Piano-voix, mais il y a pas, il est enregistré. Oui, bien sûr. Oui, pas vu de piano. Non, il est enregistré. Et tout ça, donc, ce seront des morceaux de notre premier album qui ont été revisités de cette façon-là. Donc on s'est vraiment amusé à essayer à l'exercice de style. Et on a fait plein de choses, du rock, de l'acoustique, du piano. Chaque morceau un registre différent, en fait. Exactement. Et le résultat est comment? Et d'après super bien. Convaincant. C'est vrai, vous le dites. Mais, donc vous allez avoir des compliments tous les mois, finalement. C'est ce qu'on espère. On va essayer, ouais, d'essayer de toucher un certain public, parce que c'est vrai que dans notre entourage, il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent du métal. On est un peu... Bah vous êtes de Saint-Denis-des-Vosges, c'est ça? Ouais, exactement. C'est normal. Ouais. Mais ouais, comme il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent du métal, on s'est amusé un peu à amener les gens vers notre musique, donc avec un autre style, à leur dire bah voilà, vous avez bien aimé ça c'est nous, et le métal c'est nous aussi, donc venez écouter si vous avez aimé ça, venez écouter aussi ce qu'on peut faire en métal ou en rock ou en dance, en pop, etc. C'est fou ça. Donc ouais, et puis nous on écoute pas que du métal, on écoute vraiment de tout. De quoi? C'est bien, il prépare mes questions. Vas-y. Bah ouais, de quoi? Moi j'écoute du rap, de la pop. J'écoute. Katy Perry, non? Katy Perry. Bah, moi je regarde souvent ses clips. Il y a des morceaux que j'aime bien de Katy Perry. Ah bah ouais, elle a même fait le Super Bowl. Exactement, ouais. Après, elle chante très mal en live, mais. c'est pas de ce que j'avais vu, ouais. Katy. Bah non, mais elle faisait aussi des trucs de gymnastique quand elle était sur scène. C'est pour ça qu'elle chante pas très bien. Ouais, non, mais Beyoncé est meilleure alors dans ce cas. C'est vrai? Ouais, carrément. Elle fait pas de gym. Beyoncé, ouais, c'est une super danseuse, Beyoncé. Oui, mais c'est pas hyper physique. Ouh, ah, quand même, je pense. Faut quand même, ouais. Pas c'est laquelle, Beyoncé? C'est Jay-Z, non? C'est Jay-Z, ouais. C'est ça. Avec Jay-Z. Je trouve qu'ils vont pas ensemble. Moi non plus. Non, pas tant que ça, ouais, c'est vrai. Il irait mieux avec moi. Maxime? Voilà, Maxime. Yes, Maxime, this is the little Maxime. J'ai le même pognon que Jay-Z, hein, faut le savoir. Tu vas te présenter aux élections aussi, non? On peut. Hein, si ça réussit pas dans la musique, je ferai ça. Effectivement. Vous avez des dates de concert, il y en a eu plein avant. Il y en a eu pas mal avant. Et on en parlera après. Ouais, ok. D'accord. Okay. Le deuxième titre que vous avez prévu de passer, c'est lequel, Maxime? Kills Hunter. On va écouter Kills Hunter dans l'album qui s'appelle Unleash the Violence. Alors je connais tout, mais je peux pas le dire en anglais. J'ai l'impression de jouer dans Motus ou un truc du genre. C'est ça. Peut-être dans un jeu télé. Attention comme ça. À la boule noire. Non, attention. Je remplace Tex. Ah, mais ça me. Vous êtes les amours. Ah, voilà. Il y a des choses à dire. Maxime. La romance. Oui, c'est alors, moi-même. Réponse A. La réponse D. On se connaît tellement bien qu'on pourrait essayer de faire un truc. Je pense, carrément. Juste avant, quand vous avez fait les balances tout à l'heure, vous parliez en même temps, vous aviez les mêmes mots au même moment. C'est fou, hein. C'est à force de traîner avec lui, ça. Charles. Ouais, on a les mêmes... Elle est pas passée, celle-là. Les mêmes idées, tout ça. Moi, j'aime bien. Non, j'ai... Charles Trenet, c'est pas grave. Ah, bravo. C'est nul, hein, mais il paraît que j'ai carte blanche. Donc... Je crois qu'il est capté, celle-là, en plus. T'avais pas capté? Si, si. Ah, d'accord, mais tu me dis quand tu captes, hein, que je me retourne vers toi. Deep Hunter. C'est qui, Hunter, le morceau du coup, si tu veux savoir encore. Et le groupe s'appelle Beyond Romance. Beyond Romance. C'est parti. Ça. Talent d'ici, avec les radios associatives de Lorraine. On a failli perdre Antoine, parce qu'il se tapait la tête contre le clavier tellement il est bien. Ouais. Ah, mais il regarde le match à tous les coups. dès qu'il y a un essai anglais, il se tape la tête. J'ai cru voir qu'on gagnait 17-0 à la mi-temps. Et la spoil. Alors Antoine a dit anglais. Je peux pas le dire, sinon je suis viré. Quoique. On essaye, tu peux le dire ? Non, moi je suis pas vulgaire du tout, attention. Non. tu es juste grossier, tu n'es pas vulgaire. Exactement, non, gros. Gros tout court, oui. Ça marche aussi. Gros con ? Non, gros tout court. Il est pas gros. J'ai entendu dire que tu lui avais dit que il avait physiquement il avait changé. Ah oui, mais je pense qu'il a encore pris du muscle. Ah, c'est possible. Tu as maigri. Moi j'aurais pas dit ça. J'ai vraiment maigri. Parce qu'Anthony est là, diététicien, tout ça aussi. Tu fais diététicien. Il mangeait chez moi, mais il mangeait n'importe quoi. Alors je lui ai dit, tu vas commencer à te surveiller. Il a perdu 6 kilos en un an. Putain, mais j'aurais viré moi, Anthony. Bah ouais, non mais. Enfin, il m'autorise les tacos, les pizzas. Ça, on a le droit. Ça a commencé à se voir sur les photos promo, donc. C'est ça le problème. C'est qu'après, sur les photos, on voyait plus Maxime, on voyait que moi. Est-ce que tu fais comme Ryan Gosling, tu te mets torse nu face à une fille Alors, des fois, on répète exclusivement. Ouais. On répète torse nu en slip, ouais. En slip, ouais. Montre-moi tes abdos, moi, comme ça, il y a comment qu'il me. J'ai pas d'abdos, c'est le seul truc que j'ai pas. Il n'y a pas d'abdos. Non, j'en ai pas. Abdocro. J'aime trop. Ah oui, c'est ça, c'est qu'il risque, s'il commence à boire de la bière et à plus faire de sport. Mais c'est bon, il boit pas. Ouais, mais ça va venir. J'aime trop la bouffe pour avoir des abdos, c'est impossible. D'accord. Je vois non, mais je dis d'accord. Je vois un nombre impressionnant de clips. Comment ça se passe? Il y en a combien sur la page YouTube? Des clips? Ouais. C'est une très bonne question. Tu nous poses une colle là. Parce qu'il y a des clips autant que des titres que vous avez sortis, ça. Quasiment. On les a pas tous clippés. J'en ai 3 qu'on n'a pas clippés. 4 qu'on n'a pas clippé sur 12. Ouais, ça doit être ça. Duquel? Sur les 12, ouais. De notre album. Du premier album. Et sur le deuxième, le petit album concept qu'on va sortir, tous les morceaux seront clippés cette fois-ci. Donc, c'est un budget 7. Pas tant que ça, vu que comme c'est moi qui les produis, je les fais pas payer, forcément. Mm-hmm. Je les produis pour mon groupe. Et puis, en fait, on compte les accessoires si on a besoin, on compte les locations de lieux si on a besoin, mais on arrive souvent à s'arranger pour faire des mises à disposition. Donc ça va, on s'en sort très bien. Niveau budget, on s'en sort très bien. Ils sont, je le répète, hein, ils sont magnifiques. Merci beaucoup. Il faut les voir. Celui qui se passe dans un squat, une espèce de marché, tous les deux, vous arrivez, c'est lequel? Eh ben, c'est justement le clip de Kids Hunter. Qu'on vient d'écouter. Ouais, c'est qu'on vient le morceau qu'on vient d'écouter. J'étais sûr. Ouais. Anthony? Oui. C'est toujours Anthony? C'est toujours tu Anthony. Tu n'as pas changé de prénom? J'ai pas changé. Je sais pas s'il a un deuxième prénom. Tu as fait la réalisation d'un des clips ou pas? On a travaillé sur Black Sun. Sur Black Sun, parce qu'on recherchait à faire cet effet de matière noire qu'il a sur lui, Pierre. En fait, on a fait une mixture ensemble et on l'a testé le jour même, en fait. Attends, je crois que ça se passe dans une église. Ouais. Tout à fait. C'est l'église du village où j'ai grandi, en fait, en Moselle. Et elle existe encore? Il y a toujours des messes? Elle est toujours là. Elle ne sert plus au culte, mais elle sert à la culture. Ils font des expositions photos, des vernissages, entre autres. Et c'est une église du XVIe siècle. Comment elle s'appelle, cette église? C'est l'église Saint-Brice de Falck. À Falck, en Moselle. Ah oui, parce que je me disais Falck, c'est en Moselle. Ouais. C'est pas à Saint-Dié. Ah non, du tout. Pas du tout. C'est magnifique. C'est beau. Merci. C'est une très belle église. C'est une très belle église. C'est très beau. Ouais. Il y a des cryptes parfois. Il y a une crypte là ou pas? Non, pas dans celle-ci. Non. Il y a juste un presbytère et il y a encore un vieux clocher. C'est quoi un presbytère? C'est le clos en fait où. Bah voilà. L'eau bénite et tout. Un presbytère. Surtout bite. Ah, oh, j'étais sûr qu'il y en a un qui lâcherait. Voyons Antoine qui attendait. Je me suis dit, je peux pas le laisser comme ça. Maxime et le mot bite, c'est quand même une sacrée histoire d'amour. Hein. C'est ça. Ouais. À chaque fois qu'il finit un morceau, on répète, il crie bite. C'est vrai. On sait pas pourquoi. C'est peut-être un tic que j'ai depuis pas longtemps. C'est un tic, ouais. En fait, il faut qu'il brise le silence. J'aime pas qu'il y ait du silence comme ça. Enjoy the silence. Voilà, on pourrait faire des trucs comme ça, mais j'aime pas. On s'écoute un troisième, c'est ça? Avec plaisir. Tout à fait. Le troisième. Parce qu'on n'a pas parlé du deuxième, mais c'était de la chasse qui était. C'est ça, exactement. Et là, ça va être Fall from Heaven, du coup. Tu veux que je le répète? Fall from Heaven. Ce qui veut dire. Je sais toujours pas. Tomber du paradis. Mais je suis très mauvais en anglais, faut pas me regarder. Faut pas me poser des questions. Faut pas te regarder, t'as qu'à pas faire de musique non plus. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis juste batteur. Hein. Oh, non, on regarde en général, c'est le batteur qu'on regarde. Alors, non. Si. En plus, non. Moi, j'adore regarder le batteur en live. Ouais, maintenant, si, parce qu'il est devant. Enfin, maintenant, oui, je suis devant, mais si par exemple on avait été 5, enfin, on ne regarde attends, pas moi. Il se met devant parce que s'il se met derrière, on voit pas. Ah bah, s'il se met derrière, on voit que la batterie, ouais. Il est trop gros. C'est petit. Avant le live, on va écouter ce troisième extrait que je vous invite. Le groupe s'appelle Beyond Remnants. Yes! Ouais, comme ferait Francis Degut. Francis, tu nous entends si jamais. J'avais noté une faute d'orthographe, mais j'en parlerai pas. Non, hein, c'est pas moi, c'est Maxime. Quel menteur. Très bien. Donc on n'en parle pas. Non, vaut mieux pas. Quel culot. Sans oublier et. Culot. Non, non, sans oublier et. Oui, non, mais c'est. Oui, ouais, bien sûr. Non, mais c'est sans, pire, hein, faut pas chercher. Et, bien sûr. Faut remplacer par un verbe du troisième groupe. Il faut savoir qu'il a pas été à l'école. Pour savoir. Ils sont enfoirés l'un par l'autre. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Il y a plein de dates de concerts qui sont prévues. Enfin, il y en a eu plein. Il y a eu beaucoup de concerts. Là, on a mis. Comment vous avez fait pour trouver toutes ces dates? C'est énorme. C'est les réseaux sociaux. Ouais, on a été contacté par les organisateurs, en fait, ou par les groupes. Et les dernières dates qu'on a fait, en fait, c'était surtout de l'accompagnement avec des groupes internationaux, donc beaucoup d'anglais et d'allemands. D'accord. Voilà. Et depuis, on a mis un peu le stop sur les dates pour se consacrer à notre album, justement. Le projet. Ouais, parce exactement. Que c'est notre projet. Exactement. Exactement. Et maintenant. Je suis président. Maintenant, il est président. Ah oui, maintenant. Oui. Après encore aussi. Non, non, parce qu'on. Ça fait pas 5 ans. C'est pas fini encore. Il est pas fini encore. En 2022, c'est François Baroin. C'est vrai? Ouais. Oh, ah, bon, il paraît. Ah, oui. T'es sûr de toi, là? Il passe bien et tout. Ouais, il est beau gosse un peu. Il est beau gosse. Ah, il est beau gosse. On croirait le présentateur télé, là. Comment il s'appelle? Un vieux ou un pas vieux? On s'en fout. Ouais, celui avec la mèche. Ah, bref, Romeshko, on s'en fout. Non, mais non, pas Romeshko. Bref, on s'en fout, mais je retrouverai. De la housse. De la housse, voilà, exactement. Merci. De couette. De la housse de couette, et j'allais la faire en plus. De couette. T'allais la faire. Est-ce qu'il y a des extraits sur YouTube de concerts que vous avez fait ou pas? Est-ce qu'il y a des extraits? C'est alors, une bonne question. Je ne crois pas. Il y a juste une fois. Ouais, pardon. Il y a juste une fois où sa maman a dû filmer une date au Rifter. Oui, ma maman a dû filmer une date à Nancy, mais il y a quelques extraits de concerts carrément sur la page Facebook. Celui du Tri-Days. Ah, par aussi. Contre, sur la page Facebook, ouais, exactement. Y a, avant, à l'époque, on faisait des reports, des à chaque reports concert. En fait de chaque live qu'on faisait. Ah bah on peut plus, oui. Bah oui, on peut plus le personne. Faire forcément parce qu'il manque, une personne. Parce qu'on est trois, donc voilà. Il y en a, on est tous un peu occupés, donc on n'a pas le temps de se filmer. Mais si on pouvait le faire encore, on le ferait encore. On le refait. C'est vachement bien. Moi, j'ai adoré. Mais tu vois, Pierre, je voulais te dire une chose. Je peux pas le dire parce que je suis à la radio et que ta mère nous écoute, mais je connais bien ta mère. C'est vrai? Mais non. Non, là, alors là, je lui demanderai. Moi, je pars de cette émission tout de suite. Je sais pas si elle nous écoute. Hein, là, je suis grillé. Sandrine, mais si tu non, nous écoutes. Sandrine, tout va bien. On ne se connaît pas encore. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ah bah... On a fait le tour, ouais, bah oui. Je crois. Mais tu n'as pas cité de date de concert. En fait. De date de concert, alors. Tu les connais plus? On en aura une, c'est sûr, et une très très cool. Ah. Le 2 mai, et c'est au Luxembourg pour le Nexplosion Fest. Tout à fait. Yeah. Ouais, exactement. On a été invité par. C'est un festival métal? Ouais, oui. On a été invité par le groupe Mind Patrol, et on a vraiment très hâte d'y être. Que je recommande par ailleurs. Ouais, Mind Patrol qui est super. Et que Antoine connaît. Ah non, absolument pas. Eh bah, je te le recommande. Eh bien, moi aussi, je te le recommande. Anthony, tu y seras? J'y serai, absolument. Donc ça veut dire que, question budget, quand on vous embauche, vous êtes trois. C'est le exactement. Complet, ouais. C'est le forfait, ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est... il est payé autant que vous? Non, parce que lui, il est pas musicien. Ouais, c'est la passion. Ouais. Non, puis il a moins de cheveux. Exact, aussi. Bah, Maxime commence ne parlez à, pas de ça, ouais. Ah, Maxime oui, commence vrai. À les perdre aussi. Hein. Il faut savoir que, oui, vas-y, que la copine de Pierre m'a offert des gélules. Ah oui. Pour la chute de cheveux. Bah donc oui. Je sais pas comment le prendre depuis un petit moment. Bah tu sais que c'est facile quand même pour les gélules. Bah je sais mais. C'est quelle marque hein. Non là je, ouais, même je sais même plus non plus. Mais c'est un truc qui doit prendre deux par soir. Et je le fais toujours pas, mais, ouais, toujours pas mais j'y pense parce que sinon il y aura deux non chevelus dans chauves. La bande. Deux d'accord. Chauves voilà. Donc, je vais laisser pousser les miens. Et ça lui va bien on croirait. Anthony ouais. Anthony oui. Oui, le Seigneur des Anneaux, enfin quelque chose comme ça. Tous les ingé-sons sont comme ça, hein, faut le savoir. Oui, c'est vrai. Ouais, ils sont c'est vrai, hein. Ou alors ils sont photographes. Moi aussi. Oui, c'est vrai. Allez vous installer. Allez, c'est le live de Beyond Remains. Et l'émission d'ailleurs, la première de 97, elle est podcastée. On peut... ouais. 2017 j'ai dit 97 eh bien ah. 2017 oui. J'avais un an donc ça aurait été compliqué de venir jouer. Moi j'en avais 30. Je t'emmerde. Allez vous installez pour le live à tout à l'heure. C'est parti. La scène musicale bouge dans le Grand Est avec Talent d'ici. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. We'll be right back. Talent d'ici avec David Ménard. Tu disais quoi là il y a quelques instants, Maxime ? Qui est cet homme ? Oui, oui, parce que j'ai entendu David Ménard, non, mais je me demandais qui était cette personne. Tu ne connais pas David Ménard ? Bien sûr, très grand animateur radio. Le grand David Ménard. Le grand. Bah oui, par rapport. Par rapport à moi, oui, forcément. Il y a eu deux titres qu'on vient d'interpréter, enfin que vous venez d'interpréter en exactement. Live. Ce sont lesquels ? Le premier, d'ailleurs ? Le premier, c'est Silent City, oui. Qui est sorti très récemment et qui fait partie de notre deuxième album, notre mini-album concept. Et donc 2019 ? 2020, qui va sortir là. Et donc le deuxième faisait partie de notre premier album sorti en juillet 2019, pour le coup. Ah, voilà. Et les titres avant 2017, vous êtes venus pourquoi ? En 2017, on était venus parce qu'on avait déjà sorti des singles qui font partie maintenant de notre premier album. Et moi, j'arrête là, Zorombi. La chronologie est chaude là. La chronologie est compliquée. Mais on avait sorti des singles et on les avait clippés, donc on était venus pour défendre nos singles finalement. Ah, vous n'étiez pas venus pour rien ? Non, on n'était pas venus pour. Si, on était venus pour boire des cafés aussi. Ouais, ouais. Ah, c'est vrai que vous n'avez pas demandé de whisky ? Non, on est cool là-dessus. Non. Vous dites du crément, c'est ça ? Bah. Antoine nous a promis ça, ouais. Il y aura de la bière à la fin de l'émission. Mais ah Maxime, tu mais bois après, pas de bière. Après le travail. Après le travail, après exactement. Le travail. Moi, je bois. Si, je bois. Et quand tu vois tout ce travail, tu as participé. Donc, tu fais toutes les dates de concerts qui vont ou pas ? Oui. J'en ai loupé une. Oui, la meilleure. Oui, en plus, une des meilleures. Où il était en vacances. Oui, je parle à l'ingé son, à Anthony. Excusez-moi. Excusez-moi. Du coup, oui, je les accompagne sur toutes les dates. Cette émission, cette date, j'étais en vacances. Mais en fait, je l'aurais préparé à distance par téléphone pour le matériel. À l'époque, on avait encore un matériel un petit peu différent. Mm-hmm. Et le lendemain de leur date, je les ai rappelés pour demander si tout s'était bien passé. Et puis, tout s'était très très bien passé. Et c'était leur meilleure date. Ouais, jusque-là, c'était la meilleure. À ce niveau-là, au niveau. Donc, tu sers à rien ? Je sers à rien, exactement. Si, à foutre la merde. J'ai foutu la merde. ça fait combien de temps que tu les connais ? Trop longtemps. Ça fait, ça fait deux ans. Là, c'est la troisième année qu'on est ensemble. Qu'on se connaît, voilà. Professionnellement. Exactement. C'est tous des voiles. Est-ce qu'on a encore le temps de parler des réseaux sociaux ? Oui, effectivement. Alors, il y a YouTube avec plus de 10 vidéos. Ah, tout à fait. Oui, oui. Et ça va continuer encore. Parce qu'il va y avoir un clip par mois jusqu'en juillet. Il y a Facebook et Instagram qui sont très importants, là où on a toutes nos actualités. Et puis sinon, notre musique est dispo partout, sur toutes les plateformes, Bandcamp, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, tout. C'est magnifique. Non mais c'est génial, vous bossez comme des super bosseurs. Ouais, Maxime il fait rien, du coup on est surtout deux. Moi je ramène plus l'argent en fait. Oui, que tu piques dans les rayons. Détournement de jouets, disons. Non, non. Quelle horreur. Pas du tout. Quelle horreur. On dit pas ton métier, on dit pas que tu travailles chez Auchan. C'est non, ça. Faut pas le dire. La concurrence. Oh là, attention, c'est un terrain. C'est un terrain glissant. Tu veux leur faire de la pub ? Pas du tout, non. C'est bon. Non, non, merci. C'est bon. Non, c'est bon. Allez, vous installez pour les deux prochains titres. Allez, ça marche. Conan, mais comment s'appelle-t-il ? Eh ben, c'est Black Sun. Et Disposable Lives. Exactement. Mais t'as vraiment envie de jouer, Maxime. Moi, je suis. Là que pour ça. Je suis là que pour ça, moi. Très bien. Fais gaffe. Mets bien tes ampoules. Pas de problème. Allez, vous installez. C'est parti, Beyond Romance dans Talent d'ici. Take away my fear. Talent d'ici avec les radios associatives de Lorraine. What shall we love? That is the question. What shall we love? Is just a question. What shall we love? Is just a question. What shall we love? What shall we love? It's just a price of pride. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. Voilà, les quatre titres interprétés en live. L'avantage du live, c'est qu'il n'y a pas 36 radios qui proposent du live. C'est vrai. Oui. En 3 ans, vous en avez fait ailleurs, des lives comme ça? Non, on a fait une autre radio, mais on n'a pas fait de live donc sur cette radio. Seul. Donc vous exactement. Êtes les seuls. Ouais, ouais. Une ça, question c'est bon. Bête et méchante, Pierre. Enfin, elle n'est pas méchante d'ailleurs. Est-ce que tu as le temps d'aller voir d'autres groupes jouer? Et quels sont-ils? Alors ouais, je vais voir des groupes quand je le peux, on ouais. va dire. Mais plutôt locaux ou des grandes stars? Moi j'ai été voir plutôt des plus gros groupes, les groupes que j'adore surtout. J'ai été voir Trivium, Architects aussi, c'était vraiment cool. Mm-hmm. Straight from the Pass, ce genre de groupe. Tous mes groupes préférés quand ils passent dans le coin, j'y vais. Et ils passaient où là? Je vais souvent à la laiterie à Strasbourg. Ah oui, bah c'est vrai. Ouais. Ça fait combien? Une heure et demie? Ouais, une petite heure de route, ouais. D'accord. Maxime? Si on ne te dérange pas. Moi, je ne vais pas souvent voir des lives quand même. Hein. Non, bah, j'étais allé juste à la même date avec Pierre pour Architect et Straight from the Pass. Ouais, ouais. À la laiterie aussi à Strasbourg. Je crois que c'est un des seuls concerts que j'ai fait d'ailleurs. C'est parce que tu as des enfants et tout? Non, pas du tout. Non, non, non. Non, je c'est sais parce pas. Que c'est un enfant. Ah, c'est parce ouais, que c'est un enfant. J'ai peur, j'ai peur peut-être aussi. Et Anthony? Est-ce que je vais souvent à des concerts? Alors du coup, comme j'encadre d'autres groupes, oui, du coup... Mais quand oui, t'encadres je... pas? Et quand j'encadre pas, récemment, je suis allé à une release party au Luxembourg. D'accord. Pour des groupes, du coup, régionaux, en l'occurrence. Mm-hmm. Et le dernier gros concert, bah, c'était finalement avec Pierre. On était à la laiterie à Strasbourg. C'est c'était ça, Straight From The Pass. D'accord. Straight From The Pass avec... Et autrement, ouais, avec... Je sais plus le nom, si. Super. Ah, c'était le groupe Stick to Your Guns. Ouais, Stick to Your Guns. Stick to Your Guns, donc c'est un groupe américain principalement. Et autrement, festival. Mais je prends toujours juste une semaine pour aller spécifiquement à un festival en Allemagne avec une bande d'amis. Et tu montres tes fesses comme dans les... C'est ça, ouais. Non, sérieux? T'as essayé, tu l'as fait? Non, j'ai pas essayé. Après, ça, tu passes non. en quotidien et puis... J'ai pas besoin de T'as ça. Pas besoin de ça? Pierre le fait beaucoup. Tu verras, les fesses, genre, comme elles sont gros blancs, tu dis, il faut que je travaille un peu d'épilation. Voilà. Un peu de... Mais... voilà, non, autrement, c'est tout, en termes de concerts... Alors, si t'as des groupes qui sont intéressants de Belgique et compagnie, de Luxembourg ou de la région, peut-être pour l'année prochaine, on verra bien, à partir de septembre, parce que là, on est pris jusqu'à juin, oui. tu leur demandes de contacter Antoine et puis on verra ce que ça donne. Et bah pour Mind Patrol, carrément. Ouais, carrément pour les copains de Mind Patrol ouais. Carrément. Ouais, c'est noté? C'est noté. Je vous enverrai tout c'est ça. Noté. Je crois que c'est noté aussi que c'est la fin de l'émission. C'est et déjà, mais ça passe si vite. Logiquement, ouais. Là, devrait arriver le générique de fin. Tout mais on m'a dit... Il veut pas venir. Ah, mais on m'a dit la technique, ensemble. C'est pas ouf, on m'a dit. Non, non la technique, c'est Anthony aujourd'hui. Donc Antoine est parti, il est rentré chez lui. Merci à Pierre. Mais merci à toi. Non, c'est. Ah, pardon, non, moi je m'appelle pas Pierre. Merci moi. Ah, non, mais, bah, merci à toi, David. Merci. D'être venu, ça fait plaisir de se revoir du coup une merci. Seconde fois. Merci Maxime. Ah bah merci à toi. Hein. J'espère qu'on se reverra. Bah on va se revoir de toute façon pour le prochain album. Merci Anthony, bravo pour cette. Merci à toi. Parce que tu parles aussi bien que tu fais la technique alors. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il parle bien. Il parle bien. Je parle bien. Ah, c'est cool. Et bien, à très bientôt, à la semaine prochaine. À très bientôt. Merci Antoine. Applaudissements pour Antoine. Bravo Antoine. Bravo. Bravo. Bravo. Les cafés, nickel.